Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule, avec aujourd'hui non pas les créateurs de Sens Exalogie, mais les membres d'une association, ma foi, fort sympathique, avec un nom ronflant et trop long, la Lune Rousse Club de jeux de rôle de l'Ascreb. Ils m'ont demandé de ne pas l'écorcher, ce que j'ai fait. Autour de cette table avec moi, pour présenter ce podcast autour du thème suivant, organiser une convention, nous avons Mathieu. Mathieu, bonjour. C'est bonjour, toi Mathieu? Oui, c'est moi. Je me suis pas trompé de nom? Non. C'est non. Le regard que tu m'as lancé, j'ai l'impression que tu t'es trompé. Non, mais c'est Mathieu, il est comme ça. Ah d'accord, ok. JK est avec nous, alias Xlatok. Bonjour à tous. Ouais. Pierre également est avec nous. Oui, tout à fait. Bienvenue Pierre sur le podcast La Cellule. Tanguy est avec nous. C'est moi qui ai l'idée que ça le prix sur Mathieu. D'accord, ok. Et Malvina. Bonjour à tous. On aurait pu commencer par les filles, la galanterie oui, d'abord en j'y général. J'y ai pensé. C'est pour ça qu'on a commencé par Mathieu. Oui, mais si tu écoutais ce podcast souvent, tu saurais qu'on ne le fait jamais et qu'on finit toujours par elle, au contraire. C'est une manière de meilleur pour la fin, on dira. Bon, alors premier thème qu'on va aborder pour ce podcast. Déjà, les gars, pourquoi organiser... Les gars, la fille, pardon. Oui. Pourquoi organiser une convention? Pourquoi organiser une convention? Quelles sont les motivations qui vous poussent à organiser une convention? Malvina, est-ce que tu veux intervenir? Oui, bien sûr. Pour moi, commencer par une convention, c'est d'abord pour rassembler des rôlistes plus ou moins expérimentés. Et ça permet également de faire des nouvelles expériences, tant en tant qu'en jeu de rôle, en découvrir de nouveaux jeux, découvrir de nouvelles manières de mener, ouais. Et puis découvrir de nouvelles manières de jouer également, parce qu'on ne sait jamais avec qui on va tomber, avec qui on sera autour de la table. D'accord. Et donc c'est changer d'horizon un peu, quoi. D'accord, ok. Ouvrir l'esprit des rôlistes à d'autres manières de jouer, d'autres tendances. Voilà, tout à fait. Ouais. Tanguy, toi qui avais l'air en présentation de ce podcast, dire que tu avais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est la préparation. Bon, j'avais pas mal de motivation, mais donc y avait un problème de cohérence de la communauté sur le bassin rennais. D'accord, ouais. C'est vrai que le club de la Lune Rousse, c'est un club rennais. C'est vrai que j'ai pas précisé. C'est important de le dire, ouais, effectivement, ouais, mais c'est pas grave, ouais. On t'en veut pas. Club breton. Mais il y avait un problème de cohérence de la communauté, puisqu'en fait, on était très peu nombreux sur Rennes en réalité, donc en comptant les joueurs qui n'étaient pas dans des assos, quelque chose comme environ 300 personnes, quoi. Tu peux rapprocher le micro un peu si tu veux. Ça va le faire. Ouais. Ouais. Et 300 personnes, et le problème, c'est que. Les gens se connaissaient pas du tout et en plus il y avait accessoirement du mépris mutuel. Ah oui. Dans certains cas, c'est pas systématique. Et donc voilà, donc ça c'était une des motivations. Après m'être occupé de la Lune Rousse pendant un certain temps avant. Ouais. Et l'autre motivation, c'était un sociable en fait. Quoi. Sociabiliser un peu, enfin rassembler tous ces clubs pour éviter que. Pour éviter bêtement de prêter le flanc à des campagnes de communication. Alors là, tu essayes d'éluder le sujet, tu es habile. Hein, pour, mais alors, est-ce que tu peux nous parler de ça ou non, t'as pas envie d'en parler? J'en ai pas particulièrement envie d'en parler. Disons, voilà, quand moi j'ai découvert le jeu de rôle, on était dans le creux de la vague après la polémique Muraille-Dumas et les affaires de Istres-Toulon notamment. Ouais. Et donc moi c'est quelque chose que j'ai pas vécu, mais ça a vraiment traumatisé les gens avec qui j'ai appris le jeu de rôle. D'accord. Qui eux jouaient depuis plusieurs années et qui ont vraiment pris le truc dans la gueule vraiment. Et donc du coup il est vrai que c'est un thème qui m'a interpellé, même si moi dans le fond je m'en tamponne un peu, ouais. Vrai dire, quoi. Et donc l'autre motivation c'était qu'on était nombreux à la Lune Rousse et puis qu'on était plein de courage et on avait un club qui fonctionnait super bien, mais on avait un club qui allait nulle part entre guillemets, c'est-à-dire qui fonctionnait mais qui se contentait de ça, quoi. D'accord. Et donc c'était proposer un projet aux adhérents, quelque chose de là aussi dont on rejoint le thème de Malvina, à savoir s'extérioriser, aller voir ailleurs si on y est, quoi. C'est fédérateur une convention pour une association? Pas autant que je l'aurais espéré. Ah oui. Alors, 8 ans plus tard, voilà où j'en suis moi. On en parlera peut-être plus tard dans ce podcast. On sera tout amené à fait, en parler. Parce que j'ai monopolisé la parole. JK ou Pierre, comme vous voulez. Pierre, tu veux prendre la parole le premier? JK, enfin Xlatok. Okay. Ouais, j'ai bon horreur de ton pseudo. Ça, je te le dis en on air, mais j'ai horreur de ton pseudo. Je suis désolé, mon prénom et est en vraiment plus... encore pire. Et en plus, je l'ai écorché la dernière fois quand j'ai présenté le podcast sur les forums. Alors donc, JK, je préfère t'appeler comme ça, désolé. D'accord, y a pas de problème. Donc par rapport en fait à ce que disait Malvina et justement sur la note finale de Tanguy, je pense qu'il faut pas trop se leurrer. Les rôlistes sont avant tout des humains, et les humains ils aiment bien leurs petites habitudes. Ouais. Donc on sait très bien quand ils repèrent un meneur un meneur qu'ils connaissent, un meneur qu'ils savent, qui mène des jeux ou qu'il a une façon de mener qui leur plaît, ou qu'ils ont les jeux qu'ils ont l'habitude de voir sur une convention, ils iront là-dessus et ils iront pas forcément découvrir de nouveaux trucs, sauf s'ils ont pas le choix. D'accord. Entre guillemets, il y a plus de place, est-ce qui m'intéresse. Voilà. Donc je pense que là-dessus c'est toujours une bonne idée de se dire à la convention c'est pour ouvrir les gens à d'autres jeux, d'autres manières de mener. Mmh. Effectivement, il y a de bonnes chances qu'ils le découvrent, mais je pense qu'il faut pas se baser là-dessus. Ouais. Je risque de me prendre des pierres, mais je pense que façon de pourquoi la convention, ben c'est personnel aussi quoi. C'est de se dire ben ouais, si je gérais un gros truc une fois dans ma vie, voir si j'en suis capable, mettre ça sur mon CV, ainsi de suite quoi. Ouais, c'est une sorte de défi personnel quoi, quand on se dit c'est on évident. Va organiser une convention qui peut potentiellement rassembler 200 à 200 personnes. C'est vrai que c'est un défi personnel. D'accord. Alors toi Mathieu ou Pierre, non, Mathieu, tu défi personnel aussi, tu nous disais un petit peu en présentation de ce podcast, en préparation. Ouais. Pour moi, mon défi, ça a été surtout donc le côté organisation. J'avais jamais organisé de convention, donc ça a été un défi au niveau de gestion. D'accord. Et au niveau de tout ce qui va être relation avec par exemple avec les bénévoles. D'accord. Donc voilà, ça c'était une des premières raisons pour lesquelles j'ai fait. Et l'autre c'était pour m'accrocher un peu plus avec le club de la Neurousse. D'accord. C'était une façon de faire quelque chose pour eux, de rentrer dans le cercle. Dans le cercle de la Lune Rousse. Dans le cercle fermé. Voilà. Enfin, justement, qui cherchent à s'ouvrir s'ils organisent des conventions. Mais nous aborderons tout ça dans une autre partie de ce podcast. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais par rapport à la fédération au sein du club. Ouais. Faut juste dire que le club de la Lune Rousse en est à sa 8e éclipse. D'accord. Donc ça fait quand même 8 ans. Je pense que ça a peut-être dépendu des années. Il y a certaines années, la mayonnaise a super bien pris entre les bénévoles et on en est ressorti effectivement avec une plus grande cohésion de club. D'accord. Et peut-être que d'autres années, non. Et ça revient à ce que tu disais aussi, Mathieu, quoi. Tu t'es investi là-dedans aussi pour peut-être rentrer plus dans le club encore. D'accord. Et t'intégrer, entre guillemets, assez rapidement. JK. Oui, effectivement, je pense que pour l'objectif de fédérer un club, une convention, là par contre, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Ça motive vraiment les gens à se bouger ensemble, pour peu qu'il y ait un minimum de communication au sein du club. Ça leur donne un objectif à faire. Et ils viennent demander, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la convention, c'est quoi les trucs qu'il faut préparer, de quoi vous avez besoin. Là-dessus, Les bénévoles sont forcément des gens de l'association ou non? Ça peut être n'importe qui. Non, pas forcément du club. D'accord, ça peut être. Moi, je peux très bien être bénévole un jour alors que je fais pas partie de notre association. Tout à fait. Ok, d'accord. C'est une denrée rare, plus il y en a et mieux c'est. D'accord. Tanguy. C'est surtout que plus il y en a, plus c'est facile pour tout le monde. Toujours le même problème, la division du travail. D'accord. Ouais. Pierre. Oui, donc ce que je voulais ajouter par rapport aux bienfaits que ça peut apporter au niveau de la fédération, ouais. C'est que on a eu beaucoup de membres historiquement au club de la Lune Rousse, ouais. Et la convention c'est l'occasion de revoir bon nombre d'anciens qui viennent de l'autre bout de la France et on renoue contact et c'est toujours très agréable. D'accord. Pour ça. C'est un des gros événements en fait d'une association de jeux de rôle, une convention. En tout cas pour la Lune Rousse, oui, ça l'est. D'accord, ok. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui organisent des conventions. Enfin, en France, il y en a peut-être pas tant que ça. Enfin, je sais pas. Hein, j'ai pas de chiffres en tête, mais je sais pas trop combien il peut y en avoir sur une année. par rapport au nombre de clubs qui pourraient potentiellement en organiser une. Tanguy ? Bah, moi, en fait, pour avoir couru les conventions, je crois que c'était en 2007 pour l'anniversaire de Dark Earth. Ouais. Si, en fait, des conventions, il y en a plein. On a même eu du mal à faire notre choix. Et enfin, s'il y en a vraiment plein, et c'est d'ailleurs un petit peu le boxon, il faut bien le dire. Ah quoi. Ouais, bah, parce que des assos, dans une ville comme Strasbourg, je crois qu'il y a trois assos de jeux de rôle qui organisent chacun leur convention. D'accord. Donc à Strasbourg, il y a 400 000 habitants, bon, quand même, quoi. C'est. Ouais, ça fait pas mal de gens. Ça fait bizarre, quoi, disons. Bah, moi, personnellement, pour avoir été dans pas mal de conventions en tant qu'invité, il n'y a pas toujours une convention par association, mais quand il y a une association qui en monte une dans une ville, généralement, c'est l'objet. Bah, comme vous disiez tout à l'heure, généralement, il y a plusieurs associations qui se rassemblent, et à ce moment-là, on fait une convention globale pour toutes les assos. Et il y a quelques villes dans lesquelles ça se passe pas comme ça, à cause de problèmes internes, des associations qui se montent, parce qu'il y a des gens qui se séparent, des choses comme ça. Mais sinon, moi j'ai envie de dire que ouais, si souvent il y a une convention qui est attachée à une association. Maintenant, c'est mon expérience personnelle, je sais pas. Donc voilà. Bon, est-ce que dans quel but est-ce que vous organisez une convention ? Vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? On aura peut-être l'occasion d'en reparler après sur ce qu'on veut parler un petit peu de l'ouverture de la convention publique plus tard, mais donc voilà, on s'arrête ici. Alors les prérequis maintenant, quels sont les prérequis personnels d'un organisateur ? Vous êtes des organisateurs, hein, autour de cette table. Quels sont, à votre avis, les prérequis d'un organisateur pour les gens qui voudraient éventuellement organiser une convention, qui nous écoutent ? Malvina. Un prérequis, c'est très intéressant, très formateur d'avoir fait partie de l'organisation en tant que bénévole, simplement d'une autre convention ou de quelque chose qui, pas forcément une convention de jeu de rôle, mais au moins quelque chose qui va accueillir du public sur plusieurs heures, voire quelques jours, quoi. D'accord. Même si c'est pas du jeu de rôle, tout ce qui concerne l'intendance, la gestion des gens, la gestion du public, la gestion interne, c'est déjà une très bonne expérience et c'est assez important parce qu'on a vite fait d'oublier des petits détails qui deviennent des montagnes une fois le jour J, en fait. D'accord, ok. Alors, Tanguy ? Ouais, moi, j'ai eu un peu le même genre d'expérience préparatoire. J'ai pompé beaucoup dans les fichiers de disque dur de ma mère qui s'occupe d'associations et effectivement les questions d'intendance. Quand on gère une manifestation sportive et qu'il y a 1000 personnes sur un site, effectivement, voilà, ouais. ça aide beaucoup pour comprendre un peu à quoi on a affaire. D'accord. Voilà. Et donc, des prérequis, je pense qu'il faut une certaine capacité à parler aux gens. Ouais, il faut être sociable déjà de base. Voilà, il faut vraiment vouloir aller frapper aux portes. C'est-à-dire, le problème, les gens qui sont réceptifs, c'est-à-dire les gens du milieu, c'est pas un problème. Ouais. Mais c'est tous les gens qui sont hors du milieu, il faut vraiment aller frapper aux portes, parce que c'est des gens qui ont d'autres chats à fouetter. Et donc, il faut vraiment être capable d'être insistant sans être pénible. D'accord, ouais. Et ouais. Donc voilà, donc pour camper sans pour autant passer pour un squatter, quoi. D'accord. Et j'adore donc... l'expression. Merci. Et comment donc ça, à mon avis, c'est une qualité importante quand on monte un événement, de toute façon. D'accord. Après des qualités, donc on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que actuellement, les rôlistes, comme c'est vraiment une petite communauté, fonctionnent beaucoup par le web. Donc faut maîtriser l'écrit. Ouais. Ça c'est important. Ça après, bien écrire son... c'est toujours pareil, il y a plein de choses qui aident, le charisme, oui, voilà. Des choses magiques comme ça. L'année dernière, des choses comme ça qui ont aidé. Enfin bref, voilà. Hein ? Pierre, on t'entend pas. Tu es en off. Oui, je disais que les pecs ça aide aussi. Les pecs ça aide. Faut avoir fait le scénar avant, en fait. C'est ça que tu. JK, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ? Quels sont les prérequis ? J'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que c'est intéressant en tant qu'orga quand même d'avoir un certain goût pour la discussion. Entre orgas, on parle beaucoup, on a chacun une vision différente pour aborder chaque petit point. Et faut aimer ou discuter avec les gens, donc être capable de pas se camper sur ses positions. De se dire que mon point de vue n'est pas forcément le meilleur et que les autres orgas ont un ressenti différent. Et puis voilà, ou de moins de gérer les discussions et de savoir au moment que ça part en couille, et ben les conflits entre organisateurs, ça arrive. Avec nous, non. Enfin, cette année, on n'en a pas eu. D'accord. Ouais. Bon, ça se passe sur du velours généralement, quand même. D'accord. Bon, parce que tout le monde est motivé par le même objectif, que ça se passe bien, du coup. Et d'où l'intérêt d'avoir un nombre impair d'organisateurs. Pourquoi ? À 4 votes. D'accord. C'est pas faux. des petits conseils comme ça là, dont on a besoin. Mathieu, alors, de ton côté, tes prérequis. Quelles sont tes qualités, mon ami? C'est ça, en fait, la question. Ouais. C'est compliqué comme question. Et je rappelle, il est célibataire. Il est très beau. Alors, le club de la cellule n'est pas une agence matrimoniale. Ne nous écrivez pas des, des lettres. Donc, moi, j'avais pas d'expérience d'organisation de convention. J'ai connu Eclipse quand même en tant que bénévole une année et en tant que joueur une autre année. D'accord. Ouais. Donc, je voyais ce que c'était dans son ensemble. Mais c'est vrai que... c'est pas évident du tout de se lancer, surtout que dans notre équipe on avait aucun ancien organisateur. D'accord. Et donc on s'est beaucoup appuyé sur les anciens et ce qui a été fait avant. Je pense que ça a été indispensable pour nous. Ce qui veut dire que pour des personnes qui commencent à avoir une autre expérience de convention en tant qu'invité ou joueur, c'est déjà une première approche. Je suis pas sûr que ça suffise vraiment pour pouvoir gérer tout seul une convention. Pour même être bénévole, mais au moins bénévole. Voilà, bénévole, c'est déjà un très bon atout. Ouais. Donc en fait, le conseil que vous donnez un peu tous autour de cette table aux gens qui voudraient organiser une convention, c'est déjà d'être bénévole sur une autre convention. Oui, complètement. Ouais, d'accord. Oui. Okay. D'aller pomper les fichiers de la FHJDR. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fichiers? Tu nous en parlais en préparation du podcast. Ouais, donc ça nous a beaucoup aidé au moment du montage de la première Eclipse. Moi, la première chose que j'ai fait, j'ai été pomper les fichiers de la FHJDR. Il y a une zone de téléchargement qui doit, à mon avis, encore exister. D'accord. Sinon, je tiens à disposition les fichiers PDF, parce qu'ils sont sur mon disque dur. D'accord. Où il y a vraiment... Donc, pratiquement tout. Ils sont un peu datés, il y a des informations qui sont plus tellement d'actualité, mais honnêtement, tout y est. D'accord. Voilà. Et donc vous pour démarrer, j'entends. Hein. Les premières conventions de la Lune Rousse, vous les avez faites avec ces fichiers-là? Ces fichiers-là pour base, donc comme je le disais, des sources venant donc d'autres dans un autre domaine que le jeu de rôle, mais d'organisation accueillant du public. D'accord. Et puis du bon sens aussi, voilà. Je rappelle pour nos auditeurs que la FFJDR, c'est la Fédération Française de Jeux de Rôle. Donc voilà, vous tapez www.ffjdr.org. Voilà, vous tapez JDR sur internet, hein, ça vous tombez marché, dessus. Ouais. Je crois que c'est le premier lien. Donc voilà, ça se trouve très très facilement si vous désirez organiser une convention. De toute façon, j'imagine que vous la connaissez déjà. Donc voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Hein. Quelles sont les contraintes techniques, matérielles, les choses qu'il faut préparer pour préparer sa convention? Alors là, je sais même pas par où commencer tellement en préparation du podcast. Ouais. Ben, en fait, moi j'aurais une idée de départ, ouais. C'est-à-dire le public, combien de personnes vont venir. D'accord. C'est parce que c'est ça qui va définir à peu près tout, la taille des locaux, le nombre de parties à proposer, etc., etc. Donc le nombre de bénévoles, évidemment. La formule aussi de la convention, ouais. Parce qu'on en a parlé aussi. Comment on peut évaluer son public sur une convention? La première fois, on ne peut pas. Ah ouais, ça c'est cash quoi. Plus un. Tanguy, ouais, t'es d'accord avec ça? Mathieu, là-dessus, comment est-ce que vous saviez à peu près le... Nous, on savait, oui, on en était à la 8e, donc la convention elle-même était déjà bien rodée, et on s'est basé sur le chiffre de l'année d'avant qui était 300 personnes, on en a eu 350 à peu près. Ouais. Donc on savait à combien s'attendre. Est-ce que ça va être important de savoir le nombre de personnes qui vont venir? C'est peut-être une question un peu naïve, mais... Il faut accueillir tous ces joueurs, donc il faut leur trouver une place autour d'une table, donc ça veut dire le nombre de meneurs. Le nombre de meneurs, c'est donc le nombre de l'espace que ça va prendre. C'est déjà deux énormes contraintes. Est-ce qu'il y a des limites en termes techniques au nombre de meneurs sur une convention? Ou non, ils s'inscrivent un peu au hasard? C'est ça qui est bizarre, c'est... Le public dépend aussi, avec le nombre de meneurs va varier en fonction du public, donc a priori c'est pas quelque chose dont vous devez vous soucier en tant qu'organisateur. Si, comme je le disais, ça dépend pas mal de la formule de la convention. C'est-à-dire que Eclipse, c'est très particulier puisque on fournit les meneurs. D'accord. Beaucoup de conventions, comme on en parlait tout à l'heure, fournissent le scénario de donc une collection de 5-6 jeux, ouais. Et donc les meneurs qui sont intéressés par ces jeux-là. Ils reçoivent le scénario, ils téléchargent le scénario sur le site de l'asso. Qui écrit ces scénarios? Et puis ils s'inscrivent sur le site, donc des gens de l'association généralement. Enfin, j'ai notamment un contact sur le web qui fait ça à Strasbourg pour la convention des alchimistes. Ah oui. Et donc il écrit un scénario de Dark Earth à peu près tous les deux ans. D'accord. Et donc bref, donc tout ça pour dire que voilà, il monte un scénario où il y a vraiment tout qui est tout, y compris des prêts tirés. D'accord. Et donc le meneur va télécharger le scénario, si ça lui plaît ou qu'il a envie de mener, il va aller s'inscrire sur le site et donc là à ce moment-là, les orgas savent que il y a une partie supplémentaire. D'accord. Donc à partir du moment où on a une idée du nombre de meneurs qui proposent des parties, on peut s'attendre, enfin il faut de toute façon partir du principe que toutes les parties vont être remplies. D'accord. Parce que sinon ça sert à rien de proposer aux gens de s'inscrire. Voilà, Donc voilà, c'est pour ça le problème de la formule. C'est que vraiment, voilà, ça c'est quelque chose, c'est un impondérable. C'est un choix qu'on fait au départ. D'accord. JK, tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Oui, par rapport au nombre de visiteurs qui est relié au nombre de meneurs, c'est aussi relié aux locaux. Et c'est vrai que je me suis rendu compte cette année, enfin on s'en est rendu compte quand on a demandé des locaux pour la convention Eclipse 8, ouais. C'est que le jeu de rôle est une activité qui consomme beaucoup de place par rapport au nombre de participants. D'accord. Ouais, donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Ouais. Quand on a demandé à la fac d'avoir le grand hall, un étage complet et qu'on leur a dit on avait 300 personnes sur l'ensemble du week-end, ils ont pas trop réalisé mais pourquoi vous avez besoin d'autant de place pour si peu de personnes, parce d'accord. qu'ils vont aussi des événements où il y a le double de personnes, le triple, et il y a quasiment rien utilisé en espace quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut expliquer ça aussi, pourquoi on a besoin de tant de place dans une convention de jeu de rôle. Très bien. Et c'est quelque chose que les institutionnels effectivement ne comprennent vraiment pas quoi. Ah oui, c'est vous avez vraiment eu des difficultés. C'est, on a beau leur expliquer, écoutez, voilà, une table avec 7 gus autour, ça prend tant de place et il leur faut un peu d'espace aussi, un peu d'espace acoustique. Ouais. Ça, ils n'arrivent pas à... Ça leur parle pas. Ouais. Bah oui, parce que même en parce que c'est une activité à laquelle ils sont pas habitués, en fait, tout bêtement. Une salle de bal, les gens ils sont habitués à ce que les gens soient debout ou éventuellement ouais. assis, tous bien en rang pour voir un spectacle, mais d'accord. là, c'est très particulier. Ah ouais, c'est bizarre. J'avais pas envisagé ça, moi, perso. Le couchage, vous parliez aussi de ce genre de problème. Alors, après, ça se gère, c'est les, ça après, c'est les contraintes qu'on se donne, nous, en tant qu'organisateurs. On peut tout à fait laisser de côté tout ce qui est alimentation et on va dire offre de couchage pour les joueurs qui, ou les meneurs qui viennent de loin. D'accord. C'est à chaque organisateur d'estimer est-ce qu'ils ont besoin de mettre ça en place ou pas. Sachant que, on va dire, une cafette, maintenir une cafette sur les lieux, c'est quelque part une rentrée d'argent. Donc c'est pas anodin. Alors, du point de vue financier, ça, de toute façon, il faudrait peut-être l'aborder en détail, mais donc ça rapporte de l'argent une cafette. Moi, je pensais que ça vous en coûtait. Moi, ce que je voudrais savoir, parce que j'ai pas encore les chiffres, Eclipse 8, c'est combien de budget ? Combien d'argent dépensé en tout ? Qui sait autour de cette parce table ? Parce que je n'ai pas le chiffre, hein, comme on a deux orgas de Eclipse 8. Mathieu ? Je ne connais pas le chiffre exact, puisque je n'ai pas le... À une vache près. À une vache près. Il me semble que c'était 4000 euros. JK nous sort les dossiers, là, attention. Son ordinateur portable Asus, qui doit au moins faire le café. Non, mais si souvenir, c'était 4000 ou 5000. C'est pour la cafette, si c'est bien géré, ça rapporte de l'argent, bien d'accord. sûr. La cafette en soi rapporte de l'argent, mais par elle-même, le truc c'est que les dépenses sont énormes. Par exemple, il faut payer les locaux. D'accord. Ce qui a été le cas cette année, c'était pas le cas les années précédentes, par exemple. Non, cette année, le local est gratuit parce que c'est le bâtiment, donc on était à la fac. Ouais, mais il a quand même fallu payer. Il a fallu payer tout ce qui a été vigile. Donc, d'accord. Qui n'est pas du tout donné. Agent de sécurité. Agent de sécurité, excusez-moi. ce qui n'est pas donné du tout, étant donné qu'il y a énormément d'horaires de nuit, surtout. Et que le prestataire de la fac, c'est le plus cher du marché. Ah oui ? Bah, je suis placé pour le savoir. Quoi qu'il en soit, donc au niveau des sous, faut prévoir un budget de 4000 ou comment on... Alors ça c'est pour Eclipse 8. On s'est basé sur, par exemple, je pense pour la nourriture, on avait eu 2000 euros d'achat de nourriture. D'accord. Mais on est parti sur 350 personnes pour les quantités de nourriture. Pour une nouvelle convention, c'est des chiffres qui vont énormément varier. D'accord. Baisser, voire qui vont même être carrément annulés, parce que si vous êtes pas loin d'un endroit où tout le monde peut aller se trouver à manger, c'est peut-être même pas la peine de s'enquiner avec ça. Moi personnellement, je peux te dire par expérience en tant qu'invité que une convention sur laquelle il n'y a pas de cafette, où on doit sortir pour aller bouffer, c'est très très chiant. Et les chances que je revienne en tant qu'invité à une convention de ce type sont infimes. Après, on peut aussi se charger de des invités, des meneurs, enfin bref, des gens qui aident à l'organisation de la convention et leur fournir à manger. Mais ouais. Je parlais aussi pour les joueurs. Avant tout pour les joueurs. Mais bon, en fait, là, on en revient, puisqu'on parle de budget, on en revient au problème de la fréquentation. Ouais. Je pense que pour une première organisation, puisque bon, on a un peu cette dichotomie-là à gérer, ouais. Pour une première organisation, on faut voir aussi quelle zone géographique on arrose. En ouais. termes de communication. Carrément. En sachant de toute façon que sur une première organisation, la réputation de la convention n'existe pas. Et donc, les gens vont pas faire 300 km pour venir jouer. Ça, d'accord. C'est vrai. Pour Eclipse, il y a des gens qui viennent de Paris, de je sais pas où, Poucland, voilà, où vous voulez, Montpellier, ouais, voilà, qui viennent de très très loin pour jouer. Vraiment de l'autre bout de la France. Mais donc, dans une première organisation, le problème se pose pas. Mmh. Donc, je veux dire, il faut aussi avoir une idée du nombre de joueurs dans le bassin géographique qu'on vise. D'accord. Mais tu te souviens de combien il y avait justement pour la première Eclipse? Je crois qu'en tout on a fait 80 personnes. Pour la première Eclipse. Enfin, 80 places assises, 80 joueurs assis. Donc ça fait une cinquantaine. Donc, en réalité, ouais, une cinquantaine de personnes individuelles. Mais donc à l'époque on faisait pas le décompte. Donc, voilà. D'accord. Donc, bon, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a la fréquentation, on a une idée des quantités de nourriture à prévoir si d'accord. on fait une cafette. Et du coup aussi une idée des locaux qu'il faut. Là c'est pareil, vous avez des chiffres à donner? Genre pour 100 personnes, faut... Enfin non, c'est un peu bizarre d'acheter de dire. Bon alors, il vous faut 50 tranches de jambon, 3 cornichons, ça paraît bizarre. Bah il y a un peu de ça, mais de toute ouais. façon oui, on se fait une idée. Mais là c'est par l'expérience quoi. Ouais. La première année, je crois qu'on avait même pas de, on avait un stock qu'on avait acheté le jour même, le vendredi soir. D'accord. Et en fait, on est retourné faire des courses le samedi matin. De toute façon, la cafette, ouais, c'est parce que c'était ouais. le plus simple en fait, voilà. parce que comme on pouvait pas prévoir, d'accord, ouais. et qu'on avait un supermarché à 5 minutes, ouais. tac, on a dit bon bah voilà, ça marche bien, on a vu des gens arriver le samedi matin, on dit ok, faut qu'on retourne faire des courses l'après-midi. Ah oui, il y a un élément aussi pour tout ce qui est achat de d'appoint comme ça, c'est que souvent, enfin en tout cas, les éclipses se sont toujours passées sur des week-ends. Et donc il y a dans le week-end il y a le dimanche et le ouais. dimanche on n'achète rien, donc il faut aussi prévoir ça. Il faut prévoir. JK, t'as les chiffres, ça y est? Oui, j'ai les chiffres. Alors, le budget prévisionnel d'Eclipse. Donc, pour Eclipse 8, donc faut savoir que Eclipse c'est quand même maintenant une grosse convention et qu'on a on a eu une grosse dépense aussi par rapport au budget sécurité comme ouais. Mathieu l'a mentionné. Donc là, on était à, en gonflant le budget, on était à 4 500 euros de budget. 4 500 euros. Voilà. Sachant que là, il y a eu une surestimation volontaire parce que on a grossi le budget sécurité et deux trois autres trucs parce qu'on n'était pas sûr exactement de combien on aurait besoin. Où est-ce qu'une association telle que vous trouvez cet argent? C'est une question qui peut paraître abrupte, mais. Alors, ouais. là en l'occurrence, nos sous ils viennent de trois pôles. D'accord. Inscription au repas, puisque la cafétéria rapporte des sous. D'accord. Comme ouais. dit Malvina, ça a tout à fait raison. Et essentiellement, quand même, les subventions. Bon, là, c'est. Mais il faut quand même des sous pour avancer. Il faut quand même avoir de l'argent à avancer pour la cafette. Même si elle rapporte des sous. Oui, mais non. Ce sera remboursé sur le week-end. Quoi. D'accord, ok. Enfin, la salle, et donc là en l'occurrence le budget sécurité, c'est un truc qu'on paye après de toute façon. Donc d'accord. en fait, c'est pas avancé. Ah oui, d'accord. Donc par contre, effectivement, faire les courses, faut l'acheter avant. Donc pour une première orga, ah, oui. on peut s'arranger pour acheter au fur et à mesure. D'accord. Quand on a un petit peu de recul, bon, on a forcément. Enfin, 1000 euros, ça se trouve. Dans des fonds de caisse, c'est compliqué, mais ça se trouve quoi. D'accord, ok. Ok. Excuse-moi, c'était une question naïve, mais. Non, voilà, mais il n'y a pas de question naïve. Donc les subventions là du CROUS c'est du fond de la fac, mais ouais. bon c'est, là c'est bien parce que on est une association étudiante quoi. D'accord. Voilà. Mais par contre je vais poser une question à Tanguy par rapport à Eclipse 1. The first. Tu dis que vous avez vu à peu près 50 visiteurs. Ouais. Je crois oui. Si je déconne pas trop, il me semble que c'est à peu près la quantité de personnes qu'il y avait au club à l'époque. Donc est-ce qu'on peut se dire que non. pour une première convention non, justement. En fait, déjà parce que tous les meneurs étaient, enfin tous les gens du club étaient d'office réquisitionnés pour mener. Alors, parce que la première convention, je veux dire, bon, c'était ma façon de voir les choses, donc c'était clair. Hein. mais on peut en reparler de ça aussi. Hein. Non, c'était pas si long, le pain. Ça s'est passé très gentiment, mais de fait, voilà, j'ai dit, moi de toute façon, je l'organise pas si le club me soutient pas. D'accord. Et donc, parce que, enfin, pour moi aussi, c'était risqué. Donc en fait, il y avait à l'époque, ouais, une cinquantaine d'adhérents au club, effectivement. Sur les 50, il y en a à peu près une moitié qui, de toute façon, n'était pas là ce week-end-là, pour plein de raisons, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller embrasser maman tous les week-ends, je peux tout à fait comprendre. et donc, les 25 autres, par contre, ont été sur le pont, au minimum en tant que meneur, pas tout le week-end, mais au moins une fois dans le week-end. Et en fait, pas seulement la première année, la consommation de jeux de rôle par des gens du club a été presque nulle. Ah bon ? Et en fait, cette consommation-là s'est développée les années suivantes. Ah ouais. Mais bêtement, parce que bon, il y avait de la place aussi, quoi. C'est pas voilà. Okay. La première année, on a eu plein de tables vides aussi. Hein. C'est vrai. Ouais, c'était les meneurs venaient du club et puis du coup, ils n'ont pas eu de joueurs, quoi. Ok. Du coup, ils ont pu aller jouer ailleurs. Enfin, ouais. Jouer. C'est souvent ça qui s'est passé. Pas jouer ailleurs. Je crois que Pierre le matin s'est retrouvé le dimanche matin, s'est retrouvé à mener avec trois joueurs. Mais on en reparlera peut-être en dernière partie, mais en fait, en fonction des personnes qui sont là et du nombre de parties qu'on a proposées, on adapte en fonction. Donc ça arrive qu'il y ait des parties qui se défassent ou d'autres parties qui se fassent en plus, quoi. Ouais. Pour adapter le niveau de l'affluence, oui, voilà. Bon, bah, ce qui est très dur à déterminer. Ah ouais, non, c'est clair. Là, c'est vous d'entrée de jeu en disant ouais, il faut évaluer son public. Vous mettez la barre très haut en termes d'organisation. Enfin, vous en avez conscience, j'espère. C'est impossible d'évaluer. Déjà sur la France, en termes sociologiques, on est même incapable de l'évaluer. Alors après, ouais, la population de Rollis. Tanguy, attends, passe le micro. Tanguy, tu as un chiffre. Les stats sont pas toutes neuves, mais 100 000. 100 000 à une vache près. Ça date de quand ? Ça date de. Alors je pense que les chiffres que j'ai doivent dater de 2003 ou de 2004. Ah ouais, quand même. Ouais, donc y a c'est les derniers magazines qui faisaient des enquêtes et donc c'était à peu près ça, quoi. Ah ouais, ouais. Ah mais c'est bien d'avoir ce chiffre. Après là-dedans, il y a des gens qui jouent une fois tous les deux ans. Hein. D'accord. Il y a aussi des gens, des acharnés comme à la Lune Rose qui jouent toutes les semaines comme des malades, voire même plusieurs fois par semaine. Tous les jours. D'accord. Alors. Tous les jours. Reprenons les thématiques qu'on avait abordées dans la préparation du podcast. Il y avait aussi le choix de la date. Le choix de la date. Vous disiez que c'était important. Faut mettre le choix dans la date. Alors. Ami de la poésie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous choisissez vos dates, vous, à Eclipse, personnellement ? Il faut fêter le printemps dignement. C'est-à-dire ? Donc, toujours le printemps. L'équinoxe de printemps. Ouais, on remarque quand même un truc, c'est que les conventions sont toujours dans les mêmes dates. C'est-à-dire que c'est soit la rentrée. Soit au printemps, effectivement. Quand il fait beau. C'est. Ouais. C'est... Quand il fait beau, Mathieu ? Des petits oiseaux chants. Ouais, non, pour. étant donné que beaucoup sont. S'adaptent à un public d'un âge de. Entre 18 et 30 ans même. D'accord. C'est une période où de jeunes. Dit-il en regardant Malvina et moi. Non, il est gentil alors. Donc une grosse partie étudiante et une autre partie de jeunes adultes. Les dates sont bien d'abord pour déjà pour avoir un beau temps, ce qui est toujours bien pour agréable. Une convention. Sinon, donc un beau temps, c'est plus généralement l'été, mais l'été. Alors pourquoi pas l'été justement les conventions ? Parce que comme il y a des rôlistes qui vont embrasser maman le week-end, ouais. Les rôlistes ils vont en vacances l'été. C'est un peu sur le calendrier étudiant, le calendrier scolaire, quoi. C'est vrai que ça semble quand même être bien basé sur le calendrier étudiant tout ça. Hein. Oui, en fait, il faut faire attention à ne pas tomber pendant des périodes d'examen. C'est surtout ça. Le beau temps, personnellement, vu que le jeu de rôle est quand même un loisir d'intérieur, il tempête dehors. C'est sûr qu'il n'est pas indispensable. Au contraire, même pour l'ambiance, c'est mieux parfois. Bah, ça dépend. Ça dépend à quoi on joue, comme toujours. Mais oui, effectivement. C'est important pour les dates, quoi, pour les examens, pour que le public qui peut potentiellement venir soit libre. D'accord. Libre de contrat. Après, moi, je pense qu'il y a autre chose, c'est que si on regarde un peu le calendrier, par exemple, du GROG ou choses comme ça, des conventions, on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence de manifestations, effectivement, en mars, avril, mai. Ouais. Mais il y a une raison à ça, c'est parce que les conventions sont effectivement essentiellement organisées par des associations. D'accord. Et les associations, d'une façon ou d'une autre, elles suivent le rythme scolaire. C'est-à-dire que moi, je connais pas d'association, de quelque nature qui soit, qui commence ses activités le 1er janvier et qui les termine le 31 décembre. Ouais, d'accord. Toutes les assos commencent typiquement en septembre et donc on peut pas monter des projets alors que l'assemblée générale a lieu en septembre. On peut pas les rendre possibles en décembre. Enfin, c'est super compliqué, quoi. C'est comme un bébé, quoi. C'est 9 mois. Hein. Joli. Joli, joli. Ok. Donc nous parlions donc du choix dans la date. Hein, je vous le rappelle. ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un. C'est quelque chose qui. C'est un hasard, en fait. Enfin, ça arrive comme ça, mais parce que. C'est un état de fait, quoi. D'accord, ok. Comme les bébés. Au niveau des. Bon, on va peut-être arrêter là, nous. Au niveau des bénévoles, comment ça se gère? Comment on recrute des bénévoles? Au fouet. Au fouet. Avec comment? Moi, que la méthode avec, Tanguy avec... a continué. Ah, mais non, mais je suis. Avec des cailloux à l'extrémité. Je suis aussi dans la même veine que Tanguy. Donc, l'année où on a fait la convention tous les deux, ça s'est très bien passé. Mais, c'était très droit dans les bottes de tout le monde et c'était très bien. Non, mais bon, après, les gens. Bon, quand on a, là encore, quand on a une association derrière soi, la plupart du temps, les gens ils vont adhérer. De toute façon, s'ils adhèrent pas, mais on sait qu'on part tout seul, quoi. Trouver les bénévoles en dehors de ceux des associations. Alors, comme je le disais, pour je sais pas si je l'ai déjà dit, pour une première organisation, c'est ce qui s'est passé pour Eclipse. Eclipse, c'est un truc que j'ai fait entre guillemets tout seul, donc je rendais compte et puis je prenais des conseils auprès de Gwen. Et donc, en fait, en amont, il n'y a eu que moi. D'accord. Et par contre, le jour même, effectivement, donc il y a eu moi, il y a eu Gwen qui a organisé la convention par la suite et qui était le président de l'asso à l'époque, et donc Edith, la trésorière, qui nous a bien aidé. Donc en fait, finalement, on a été trois à gérer l'événement. Ah d'accord. Donc après, effectivement, les meneurs venaient du club, donc du coup, ils avaient une idée de comment devait se passer la convention. D'accord. Mais bon, là encore, on aurait pu. Avoir des meneurs qui venaient pas du club, moyennant de bien les briefer à leur arrivée, ça, a priori, je pense que ça n'aurait pas plus posé de problème que ça. Quoi. D'accord, ok. Et après, il y a toute la petite armée de fourmis qui aide à la maintenance, qui aide pendant tout le temps où les meneurs sont occupés. Et ça, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas dans une association, je ne sais pas trop comment il peut recruter papa, maman. Ouais, il n'a pas coupé les ponts à cause du jeu de rôle. Non, mais c'est vrai que ça peut être un vrai problème. Ça peut être un vrai problème. Une bonne. JK. C'est là que la communication au sein du club est importante. Ouais. Justement, c'est-à-dire que. Si le club organise la convention, il est important que le club participe, donc l'ensemble des membres. D'accord. Voilà, donc moi je suis assez partisan du fait qu'un membre du club qui fait une convention et devrait être d'office bénévole. D'accord. C'est un peu psychorigide pour certains, quoi. Pierre. Un bénévole volontaire, oui. Ouais, un bénévole volontaire. Désigné. Ben ça, je pense que c'est un point de vue qui est largement partagé par tous les gens qui ont organisé Eclipse. D'accord. Parce que, bon, c'est aussi une question de logique. Quand on s'investit à fond pendant 6 mois dedans, c'est pas pour voir des gens arriver comme des consommateurs alors qu'ils devraient être impliqués au moins un minimum. Quoi. D'accord, Mathieu. Mais bizarrement, pour Eclipse 8, on n'a pas eu tant que ça besoin d'aller les chercher. Une grosse partie. Ah, JK a l'air d'être. Il a pas l'air con, d'accord. Mais pour une grosse partie, c'est moi qui m'en suis occupé et. Ils vont régler leur compte. Et en fait, beaucoup sont venus à nous. On n'a pas eu besoin tant que ça. Après, de revenir les rechercher, ça oui, il y a toujours des soucis au niveau de ce côté-là. Ouais. Mais ils sont venus pour une grosse partie à nous. La preuve, c'est que Gwen, l'ancien organe l'année dernière, et Charles étaient un peu jaloux parce qu'ils m'ont dit ça comme ça. Parce qu'on avait mis un tableau au club et les noms sont remplis très vite dès le début. Bon, bah ça, c'est alors bien. Que ça n'a pas été le cas l'année d'avant, donc ça, c'est ça, pas. Ça, c'est moins bien. Je vais commenter. Oui, ce qu'il faut voir, ce que j'ai pu voir sur. Différentes organisations d'Eclipse, donc moi j'étais pas organisateur, mais en tant que membre de la Lune Rousse, c'est vrai que les organisateurs ont toujours eu du mal à pouvoir quantifier exactement qui c'est qui allait pouvoir faire quoi. Les décisions de la plupart des bénévoles arrivent très tardivement, ça a l'air d'être une, ça, ouais, ça doit être constante, une énorme difficulté. Et ce qui fait criser tous les orgas, ce qui est très drôle au demeurant. Ouais. Et quels que soient les orgas, tous les ans c'est des orgas différents ou presque, et tous les ans c'est la grosse crise. Oui, j'ai noté aussi que dans les conventions, je reviens souvent sur les lieux de mes crimes, et j'ai noté que souvent les organisateurs changeaient, alors que les organisateurs de l'année d'avant... sont eux bénévoles ou autre chose. Est-ce que ça fait partie d'une des contraintes que vous fixez aussi, vous, en tant qu'association, de faire en sorte que ça tourne? Ou alors non Je m'exprimerai quand... Ouais, quand Mathieu. Mathieu. pour nous, en tant que membre de la Lune Rousse depuis 3 ans, ce qu'on nous a dit plus ou moins d'entrée, c'est qu'ils aimaient bien que l'équipe d'organisateurs tourne. Ouais. Pour apporter du nouveau à la convention. D'accord. Tout en gardant quelques quelques vieilles têtes, j'allais dire, pour dans l'équipe, pour dit-il en me regardant avec insistance, pour aider et pour soutenir le, enfin pour guider le, pour guider les nouveaux. D'accord. Ouais, ça n'a pas été normal. Le cas pour Eclipse 8, mais pour toutes les autres Eclipse, il y avait des anciens et des nouveaux qui collaboraient pour améliorer Eclipse. D'accord. Donc ça c'est important de faire tourner les organisateurs pour au moins amener du pour moi ça amène énormément de choses. D'accord. Ça c'est intéressant à dire. Alors la communication sur la convention maintenant. Comment est-ce que vous faites la communication? Vous dire bon bah voilà l'événement va avoir lieu. Est-ce que vous les presse locale comment est-ce que vous en tirez? Le web tu disais en préparation de ce podcast. La presse locale ça sert à rien. Ah. La presse que je qualifie je vais expliquer la presse que je qualifie d'institutionnelle. Ouais. Oui, ça peut servir à condition d'être prêt tôt parce qu'ils ont des deadlines assez difficiles. C'est-à-dire c'est-à-dire que je crois que le bouclage du René, c'est quelque chose comme un mois et demi avant sa parution. Le bouclage C'est-à-dire qu'en fait, il faut que toutes les annonces arrivent un mois et demi avant la parution du René, quand même un mensuel. Ah ouais. Donc bon. Donc c'est assez con, enfin faut vraiment prendre le truc en amont quoi. D'accord. Mais bon ça marche assez bien ça par contre. Quand il y a une publicité dans un ça marche, c'est le genre de truc qui est lu quand même. Si. D'accord. Ouais ça marche un peu. C'est lu mais bien. Est-ce que c'est lu par un public vraiment intéressé? C'est lu par des gens finalement relativement jeunes aussi. Enfin dans une ville comme Rennes en tout cas c'est le cas puisque c'est une ville assez jeune. Ouais. Voilà. J'imagine que à Nice c'est plus compliqué, mais qui voudra gagner le consul de drôle à Nice. Donc voilà pour ça, et donc pour terminer le tour, moi je pense que les assos aussi, les premières années on faisait un mailing papier aux assos, ouais. Donc sur le bassin de géographie qu'on voulait arroser. D'accord. Et bon maintenant c'est quand même fortement remplacé par le web. D'accord. Y a des annuaires comme le GROG où on peut référencer sa convention. Il y a des forums assez populaires comme je pense notamment au forum Casusno. D'accord. Pandapirate.net des choses comme ça où là par contre faut vraiment faire l'activité, faut mettre des news genre toutes les semaines dire ouais. Voilà on va avoir ça, tel invité a dit oui etc. Ouais. Pour faire bouger le truc faut maintenir le buzz. Est-ce que c'est vrai que les posts sur Casus ont tendance à vite finir aux oubliettes quoi. Bah, vu l'activité du forum c'est pas étonnant quoi. Ouais, donc le web par contre ça marche très bien parce que comme je le disais les relis sont très très portés sur le web. Ouais. Moi c'est comme voilà. Ça que je vous ai rencontré perso. Et aussi la question de la communication demande aussi la question du public. Est-ce qu'on cherche à cibler uniquement des rôlistes ou assimilés, ou est-ce qu'on essaye de vraiment s'ouvrir au grand public justement par des mensuels ou par des médias locaux? Alors là tu me permets de faire une transition. T'en as fait exprès, Gina, félicitations. Alors justement une de nos parties c'était: la convention peut-elle s'ouvrir au grand public? Alors, oh là là, je vois c'est tout le monde qui est là. Ça fait un espèce de blanc. Tu veux la réponse franche ou la réponse polie? La réponse franche. Non. Non. D'accord. Pourquoi? Argument. Parce que je pense que les gens qui ont déjà entendu parler du jeu de rôle, soit ils s'y sont intéressés d'une façon ou d'une autre et ils ont les moyens d'information et donc ils sauront en fait par d'autres moyens que par les affichages 4x3 dans toute la ville. Ouais. Et qui en plus seraient très coûteux. Et que les gens qui ne sont pas informés du truc et ne connaissent pas le jeu de rôle, de toute façon ils viendront pas avec juste une sollicitation comme ça. D'accord. Après c'est mon avis. Je sais qu'il y a des expériences notamment à Rennes où on fait jouer les gens dans la rue. D'accord. Notamment pour la fête du jeu, je crois, au fin mai. Ça, il semblerait que ça marche. Mais il faut vraiment aller chercher les gens dans la rue, quoi. À Caen et aussi. au moment pas. Effectivement, à Caen. Cidre et Dragon. On t'en parle, oui. Cidre et Dragon. Là, on est carrément en pleine rue, donc c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais. Malvina. Par contre, on peut aussi attirer du monde, du grand public par des plus, pas que par du jeu de rôle. D'accord. Oui. Qu'est-ce que t'entends par des plus? Eh bien, ça peut être des petits spectacles ou des. Bien sûr intéressent les rôlistes, mais qui peuvent attirer du monde. On a par exemple pour Eclipse, depuis je crois Eclipse 2, un partenariat avec des écoles d'escrime de D'accord, Rennes ouais. qui organisent des petits spectacles, des petites scénettes comme ça. Ça dure pas forcément longtemps, 20 minutes, mais bon, il y avait du monde encore, l'escrime hein, tout de suite ça parle quoi, tout de suite on a envie d'aller voir, tout de suite c'est quelque chose de trop rare pour le rater, surtout quand c'est gratuit. D'accord. Donc les plus, donc tu cites l'escrime, on n'a pas encore parlé non plus des partenaires qu'il fallait pour une convention. Est-ce que Giga? Oui, par rapport à l'escrime, par exemple, bon, ça attire du monde, mais ça attire du monde qui ne vient que pour le spectacle d'escrime, de fait. Oui, mais au moins ça les fait rentrer dans les locaux, ouais. ça leur montre l'image. Qu'on peut montrer, placarder par les éditeurs, etc. Que c'est un, par exemple, que c'est un, il y a plein de livres. C'est un loisir littéraire et ça commence à les ouvrir. Et peut-être qu'en passant pour aller au spectacle, en passant, en traversant toute la zone des éditeurs, en revenant, ils vont peut-être poser quelques questions. Oui, c'est une possibilité. Moi, je vois en convention généralement quand il y avait quelque chose comme ça qui attirait les foules. Je prends encore une fois Cidre Dragon où ils font brûler un dragon en fin de convention. Vous avec le spectacle d'escrime, c'est un drôle de Mathieu Gaborit, ça n'a rien à voir. D'escrime donc, y a des gens quand même au retour qui posent des questions effectivement aux éditeurs qui sont là. Moi j'ai vu des gens qui connaissaient pas du tout le jeu de rôle me demander tiens c'est quoi votre bouquin machin. Donc ça fonctionne vraisemblablement. Je pense aussi que l'ouverture au public autre que le rôliste dépend aussi de la renommée de la convention. D'accord. C'est-à-dire que pour Eclipse 8, on a eu deux personnes morales, on va dire ça comme ça, qui nous ont contactés et qui, a priori, ne sont pas rôlistes ou connaissent vaguement le milieu. Quoi. D'accord. Donc un groupe de personnes qui créent un jeu de société, Roubraise, sont venus présenter leur jeu à la convention pendant les 3 jours, respect à deux pendant 3 jours. Voilà, donc ils se sont greffés avec notre partenaire jeu de société, la Reine des Jeux, mais c'est des gens qui ne sont pas peu d'incointance avec le jeu de rôle. Ils ont présenté quelque chose qui n'est pas un jeu de rôle. D'accord. Et il y a aussi Japanim. Ça, c'est des partenaires gratos qui débarquent comme ça parce que vous êtes réputés. Voilà. Ouais, donc mais ça, c'est... De fait, s'ils sont venus, eux, donc ils ont attiré aussi du monde qui n'était pas rôliste, qui sont venus à la convention. D'accord. Et on a donc le magasin Japanim qui lui s'est même montré de lui-même comme voulant venir à la convention. D'accord. Bon, de fait, on sait qu'il y a pas mal de jeux de rôle avec une influence manga maintenant, mais c'est une démarche personnelle de leur part, quoi. D'accord. Nous, on n'est pas allé les chercher a priori. Okay. Voilà, de fait, bon, je suis passé les voir quelques temps après la convention, savoir s'ils étaient satisfaits de ce qui s'était passé. Et ils me disent non, c'était bien, pas de problème, on a fait 2-3 ventes, discuté avec les gens, c'était cool. D'accord. Bon, donc c'est possible, mais il faut... Pour les gens qui veulent organiser une convention, ils peuvent éventuellement contacter ce genre de partenaires, des magasins comme Japanim. C'est surtout que ça coûte rien de demander. Oui. Ouais. Il suffit d'y aller. Voilà, faut y aller et dire bah voilà, on organise ça. Est-ce que ça vous intéresserait de nous donner les lots, de venir, qu'on vous fasse de la pub d'une façon ou d'une autre, de venir avec un stand. Ça se fait voilà. Très bien quoi. Ça marche. Enfin ça. Après les gens ils disent non, ils disent oui, mais au moins on peut pas dire qu'on n'a pas essayé. D'accord. Je me souviens juste une fois aussi d'une des éclipses où on a eu un partenariat qui n'a pas été très très concluant avec un magasin de BD, je sais pas si tu te souviens. Eclipse 4. Ouais, parce que si je m'abuse, oui, effectivement, voilà. Pas concluant en fait parce que à la base l'idée qui sous-tendait qui était très intéressante, c'était on s'orientait vers un aspect plus salon en fait de la convention. D'accord. L'idée c'était de faire venir des auteurs de BD, des dessinateurs surtout. Ouais. Et l'idée c'était que les gens pouvaient aller faire leur partie. Et puis entre le moment où ils avaient récupéré leur pré-tiré ou fait leur perso en début de partie, généralement les meneurs font une petite pause après la première demi-heure, d'aller se faire un crowbar de leur perso. Ouais. Voilà. Et ça permettait aussi de discuter avec l'auteur de BD parce que les rôlistes sont des grands lecteurs de BD. Et alors c'était bien passé ou mal passé parce que les auteurs de BD sont pas intéressés par ça. Point. Ah ouais, d'accord, ok. Enfin, Dixit, la boutique en question. Hein. Bizarre. Ouais. Alors, je pense qu'il faut cibler les auteurs de BD. Parce que cette année, on a contacté plusieurs. Bon, trop tard à cause de divers soucis de locaux. Mais tous ceux que j'ai contactés, sauf un, le Fab qui m'a jamais répondu, ils m'ont tous dit ah ouais, ce serait cool de venir. Mais bon, là, c'est un peu tard au niveau planning. Quoi. D'accord. Voilà. Donc, je citerai pas les noms. Je pense qu'on les aura l'an prochain à Eclipse. Quoi. Mais bon, il faut cibler l'auteur de BD en question. Quoi. Alors, le monde du jeu de rôle peut se permettre de faire des partenariats avec le jeu vidéo aussi, à votre avis, ou pas? Là, je vois des petits sourires en coin, je réfléchis. Qu'est-ce que tu appelles jeu vidéo? Moi, je prends l'exemple du monde du jeu. donc ce salon dans lequel jeux de rôle et jeux vidéo sont côte à côte. Bon, après ça reste un salon. C'est alors justement pro, c'est un salon pro. D'ailleurs, ouais, la différence entre salon et convention, parce que moi je sais que une fois sur mon blog, j'avais dit ouais, la convention de Paris en parlant du monde du jeu. Je me suis pris une volée de flèches avec des mecs qui m'ont dit non, c'est un salon. Alors, c'est quoi la différence en fait? Bah, un salon et une convention. Je pourrais dire ce que c'est qu'une convention, je peux pas vraiment dire ce que c'est qu'un salon. D'accord. Une convention, on vient jouer. D'accord. On peut venir faire plein d'autres choses qui sont éventuellement proposées, mais on vient surtout jouer. D'accord. Et c'est-à-dire que dans les conventions que j'ai pu faire, et donc Eclipse n'échappe pas à la règle, voilà, les gens qui viennent, enfin, la convention est quand même globalement, les locaux publics, ouais. La cafette, tous sont quand même globalement vides pendant les créneaux de partie. D'accord. Donc ça veut bien dire que les gens ils viennent pour jouer. Et d'accord. Bon, le monde du jeu, j'y suis jamais allé, à mon grand regret, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui s'y passe. Bah, n'y va pas pour le jeu de rôle, hein. Non. Alors sans même parler de savoir à quoi on joue, voilà. Partons de voilà, mettons qu'on ferait une convention de jeu de plateau, je pense que le syndrome serait exactement le même. Là, en tout cas, le jeu vidéo et le jeu de rôle sont mêlés dans ce salon et ben, on a plein de visites. Alors après. Je sais pas. Mais des synergies, il y en a forcément. Je veux dire, c'est un monde de geeks, de toute façon. Ouais. Les rôlistes, les gens qui font des jeux de rôle en ligne, choses comme ça. Enfin, c'est des geeks, quoi. Ouais. Donc, enfin, les connexions sont importantes. Enfin, surtout depuis la popularisation de l'Heroic Fantasy. Tu y as été, Romaric, au dernier monde du jeu? 2009. Oui, je crois que c'était le 2009. Ouais. Oui. Alors, j'avais même pas encore les nouveaux bouquins. J'étais au stand de la FFJDR. Je me suis senti un peu seul quand même. Heureusement, il y a Fabien Ilvine, justement, dont je vous parlais en présentation de ce podcast, avec qui est venu me soutenir. Et j'ai passé quasiment tout mon samedi avec lui. Et voilà quoi. Et sinon, moi j'ai quand même réussi à faire une partie avec des membres de la FFJDR et quelques gens qui passaient par là. Ça s'est très très bien passé. Au niveau des ventes, c'était pas mal parce que j'avais Fabien, justement, qui se rabattait du monde. Mais. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? T'as une idée derrière la tête? Bah parce que j'y étais, je n'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait une vraie interaction entre le jeu de rôle et le jeu vidéo. C'était deux trucs qui étaient côte à côte, quoi. Ouais. Alors déjà, le jeu de rôle, c'était en plus un tout petit machin avec plein de tables côte à côte. On ne pouvait pas circuler entre, à côté de l'auditorium, on n'entendait rien à ce qui se passait, quoi. Ouais, non. C'est vrai que c'est un mauvais exemple. C'est globalement le retour que j'en ai eu dans les articles ou sur le web que j'ai pu lire. Effectivement, il y a peut-être quelques releases qui sont passées du côté jeu vidéo, mais le public du côté jeu vidéo, c'était le marmot de 12-14 ans. Il est passé par il passait éventuellement par la partie monde du jeu parce que c'était plus rapide pour rentrer, il y avait moins de queue, quoi. Il y avait des bruits de couloir comme quoi il y avait le ministre de la culture qui était passé puis il s'était arrêté. Au jeu vidéo, il avait vu que jeu vidéo, puis il s'était arrêté là. Peut-être que pour un certain nombre de néophiles, enfin de personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est la même chose, en fait. Ouais. Peut-être. Ah oui, alors ça, on a fait un podcast là-dessus. Déjà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit, moi quand je me présente, bah, voilà, je suis créateur de jeu, les gens disent, ah bon, et où est-ce qu'on le télécharge ton jeu vidéo? Ça m'arrive très très souvent. Et... Le terme RPG qui existe avec qui a débuté avec les Final Fantasy, le terme RPG. Enfin, brouille les pistes. Ouais, clairement. Alors après, bon, c'est un point de vue de savoir. Donc, est-ce qu'un jeu vidéo peut être un jeu de rôle? Je suis pas convaincu personnellement, mais de toute façon, ça brouille les pistes, puisqu'on est bien d'accord que c'est quand même deux choses qui sont très différentes. Mais vous, vous n'appelleriez pas certains magasins de jeux vidéo à réunir Non, Tanguy, je te vois... Moi. D'accord. Ouais. Okay. Je sais pas ce que les organisateurs d'Eclipse 8 qui ont un autre tour sur le public. Ouais. J'y moi cas. Non, autant le manga j'y vois aucun inconvénient, autant le jeu vidéo je vois pas le lien possible. Et d'accord. Puis le jeu vidéo faut une démo, donc ça veut dire forcément du matériel, quoi, de la technique, de la place évidemment, mais ça après si tu contactes un éditeur de jeux vidéo il va t'amener le matériel. Ça à la limite je pense que le problème n'est pas vraiment là, enfin je veux dire financièrement il n'y a rien, et a priori d'ailleurs on parlait tout à l'heure de la convention modulaire, c'est justement un truc, une activité que finalement t'as pas à gérer. Il n'en reste pas moins que je sais pas, pour moi c'est pas la même chose. Monde. Mathieu, Pour moi en fait ça revient c'est un peu du même domaine que le jeu de plateau auquel on a un partenariat avec l'arène des jeux pour Eclipse 8. La grosse différence, c'est que le jeu de plateau amène, amène des personnes à jouer entre elles, comment dire, autour d'une table, alors que le jeu vidéo les isole. D'accord. Alors c'est la seule différence, c'est ce qu'on va appeler le LAN, où les gens vont jouer vraiment entre eux. Quand je dis entre eux, c'est pas par perso interposé, c'est vraiment côte à côte. C'est-à-dire le MMORPG, pour moi, c'est un jeu seul, entre guillemets. Enfin, on y joue seul. D'accord. Et le gros intérêt du jeu de rôle, c'est vraiment de jouer en groupe. D'accord. Donc là-dessus, deux mondes un peu incompatibles. Donc voilà. Un jeu social et l'autre un peu. Plus... Sinon, d'une certaine manière, ça pourrait faire partie. Après, ça dépend des organisateurs et de la vision de laquelle on a notre convention. Quoi. D'accord. Ok. Pierre. Oui, c'est juste que c'est pas le même plaisir et c'est pas forcément. C'est pas le même public à première vue. D'accord. Ok. Moi j'y pensais parce qu'en fait je trouve qu'il y a de plus en plus de problématiques dans le jeu vidéo qui se rapprochent celles des problématiques abordées par le jeu de rôle. Notamment là j'ai entendu les podcasts de Gameblog que je suis activement personnellement, dans lequel ils avaient invité des gens comme David Cage, hein, qui sont des créateurs de narration à l'intérieur du jeu de rôle. Heavy Rain, sorti récemment sur PS3. Donc là on commence à retrouver en fait des problématiques de comment on va orienter le joueur dans une fiction, etc. Et moi je trouve en tout cas qu'intellectuellement, les créateurs de jeux et les créateurs de jeux vidéo et les créateurs de jeux de rôle devraient communiquer entre eux. Et c'est pour ça que je me disais une convention pour les réunir, ce serait vraiment pas mal. Mais maintenant c'est pas là. Une convention pour les lier tous. Voilà, une convention pour les lier tous, tout à fait. Une convention de pro quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je suis pleinement d'accord qu'au niveau de la création, là par contre il y a des connexions. Ouais. Quand tu vois, j'y ai pas beaucoup joué, mais quand tu vois comment un jeu comme Morrowind. Là effectivement il y a quelque chose au niveau de la narration, il se passe vraiment quelque chose et qui renvoie à la création de certains jeux quand tu vois des arcs de storyline très complexes. Ouais. Donc là au niveau de la création je suis d'accord, mais le public c'est encore autre chose. D'accord. Et la restitution, donc la manière, un salon pro qui fait les deux, pourquoi pas, vraiment. Ouais. Mais une convention je suis pas convaincu. Tiens, d'ailleurs on cherchait une différence entre salon et convention. Ouais. On a trouvé. D'accord. Donc voilà, alors bon, maintenant, pour reprendre un peu le fil, parce qu'on a un petit peu fait un écart, mais cela dit, c'était intéressant. Qu'est-ce qui se passe le jour J? Ça doit être un peu la panique, non? Parce que moi, à chaque fois que je vois des conventions, j'ai des organisateurs avec des cernes, ils disent qu'ils dorment peu. Mathieu, t'as dormi beaucoup, toi? Alors. En fait, j'ai fait une nuit blanche volontaire, j'ai dit, entre guillemets. La première, je me suis gardé on s'est tous gardé des créneaux pour dormir, mais il y en a qui n'ont pas eu le choix, qui devaient être de nuit. mais on a tous gardé un nombre d'heures minimum de sommeil, plus ou moins. D'accord. Bon, après j'ai fait le choix pour aller discuter avec les gens, pour voilà. T'as pris du temps. Mais c'est vrai que dormir, ça veut dire être de bonne humeur, ça veut dire mieux travailler, ça veut dire. Donc de toute façon, tu conseillerais aux futurs. Oui, évidemment, c'est dormir. C'est... quoi. C'est indispensable. D'accord. Si on veut avoir un bon résultat, parce que notre état d'humeur joue directement sur la vision des personnes de la convention et sur la convention elle-même. D'accord. Jika, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Jour J, comment tu t'es... J'aurais pas forcément l'état d'humeur, mais la façon dont les gens peuvent nous percevoir. Je sais que j'ai fait la nuit blanche entre le vendredi et le samedi. Bon, là, faut savoir que sur Eclipse, on avait une obligation en accord, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des gens éveillés toute la nuit à chaque fois. D'accord. Un organe qui restait éveillé, quoi. Et à la fin du samedi, j'avais plus de voix, ça partait en couille, et donc ça déraille. Et on a beau, j'étais pas spécialement de mauvais poil ou énervé avec les gens, j'étais en pleine possession de mes moyens, mais la voix éraillée fait que... Et du coup, on a l'impression qu'on nous gueule dessus, mais non, j'essaie d'être courtois, mais c'est un ressenti aussi de la part des gens, quoi. D'accord. Voilà, donc, il faut essayer de se ménager des créneaux pour dormir, dans l'absolu. Après, bon, si on a la contrainte qu'on a eue d'avoir des gens éveillés tout le temps, c'est pas... Vous avez des... Tanguy, tu veux dire quelque chose à ce sujet? Le jour J? Parce que moi, Malvina... Ouais, en fait, effectivement, il faut être frais. Il faut être frais à l'arrivée. Et il faut essayer d'être frais pendant tout le long, parce que il va y avoir plein d'impondérables, plein de choses qui ne se passent pas comme ça devrait se passer, et il faut s'adapter et réagir extrêmement vite, et donc être vif d'esprit et être au taquet, quoi. Ouais. Tu parlais de d'être autoritaire le jour J. Oui, effectivement, mais ça vaut un peu pour tout, même quand on organise, quand on est un groupe, il y a effectivement un moment où il faut arrêter de discuter, quoi. Il faut prendre une décision, et ça vaut effectivement. C'est d'autant plus vrai le jour J où on a l'impression d'être dans un rush permanent. Ouais. On est demandé de partout. Il faut prendre des décisions très vite. Il faut être capable de ça. Ça fait partie effectivement des qualités, des prérequis, on va dire, pour un orga. D'accord. Mais il faut prévenir les gens. Oui, d'avance. C'est-à-dire que les bénévoles, il faut leur dire, bon, écoutez, voilà. Ça va être l'enfer. Je vais peut-être vous dire, non, c'est pas dire. Il faut leur dire, écoutez, ça va peut-être pas vous plaire à certains moments, mais voilà, je vais pas forcément vous ménager parce que de toute façon, on n'a pas le temps pour ça. D'accord. On n'a pas le temps. Alors, dans le meilleur des cas, on a un petit peu de temps pour y réfléchir. Quand je dis un petit peu de temps, c'est quelques secondes. Okay. Voilà. Le plus souvent, faut balancer direct, parce qu'en plus, il y a un autre problème, c'est un aspect psychologique sur le public, c'est que si on n'a pas des réponses qui sortent tout de suite, ouais, les gens ont une sensation de flottement dans l'organisation. Oui, oui. Et alors, ça peut être après, c'est à double tranchant. Il y a plein de gens qui vont apprécier ça, qui vont se dire, bon, c'est convivial au moins, et puis il y a plein de gens qui vont se dire, mais je suis où là? Ouais, carrément. Voilà. Donc ça, c'est important à gérer aussi. D'où l'intérêt aussi, quand il y a plusieurs orgas, ce que nous on appelle les grands orgas, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé en amont, c'est même si pendant la préparation ils se spécialisent, et c'est très bien parce que c'est d'autant plus efficace et pertinent, le jour J, il faut qu'il y ait un minimum de communication sur les différents sujets entre eux, pour que, parce que la personne lambda, le bénévole qui est là, il ne sait pas forcément que celui qui gère la bouffe, c'est tel le orga et pas tel autre, quoi. Donc c'est important d'avoir un peu de compétences croisées le jour J, en tout cas. D'accord. JK. Et par rapport au jour J, c'est évident, mais ça fait quand même du bien de le dire, c'est plus il y a de choses qui auront pu être préparées en amont, notamment avec les bénévoles, moins il y aura d'emmerdes le jour J. Mmh. Ouais, donc, Alors moi, ce que je conseille, c'est ce que j'ai essayé de faire l'année dernière avec un demi-succès, c'est d'avoir en fait un document écrit qu'on lit avec les bénévoles au moment où ils commencent à faire quelque chose, genre par exemple arriver à la caisse, où on indique, on stipule pas vraiment ce qu'on est censé y faire, on stipule surtout ce qu'on est censé ne pas y faire. D'accord. Pour que les gens prennent pas des décisions, et qu'on se retrouve ensuite responsable de quelque chose qu'on n'a pas voulu. D'accord. Donc juste dire, voilà, tu gères la caisse de la cafette, de toute façon tu prends pas d'inscription. D'accord. C'est voilà, oui, il va te dire oui, mais je me suis inscrit et puis il y a eu un cafouillage, tu prends rien surtout. D'accord. Ça, pareil, c'est vrai que des consignes claires, et y compris entre les orgas, c'est-à-dire qu'entre les gens qui ont travaillé en amont, c'est bien de formaliser les décisions qui ont été prises par les uns et par les autres en papier. C'est-à-dire qu'effectivement, le mec qui s'est pas particulièrement occupé de l'alimentation en amont, pour qu'il sache pourquoi est-ce que les décisions ont été prises comme ça sur l'alimentation à certains endroits, en fait, quoi. Comprendre la logique. Voilà. Parce que sur le moment, c'est pas toujours très très, très clair. Et c'est vrai que ce que tu dis par rapport à surtout les consignes à ne pas faire, c'est presque plus important c'est que plus celle, important. Celle qu'il faut faire, en fait. Comment, j'ai une dernière chose à dire, il est très important de dormir parce que ça aide aussi à gérer ce genre de problème. Et là encore, c'est toujours les impondérables qui posent problème. Même si c'est extrêmement frustrant parce qu'on court dans tous les sens, on a l'impression que c'est quelque chose sur lequel on s'est penché pendant des mois. Et au final, le jour J, on a l'impression de ne pas trop en profiter. Et c'est vrai que je comprends tout à fait Mathieu qui a préféré sacrifier sa nuit de sommeil pour pouvoir se poser, discuter, profiter, etc. Ah, ça doit être frustrant ça, au final, quand on a du boulot et que... Alors en fait, le jour J, c'est aussi libératoire. C'est-à-dire qu'en fait, au cours de la préparation, on accumule pas mal de pression. Je sais que c'était notamment le cas de Malvina sur Eclipse 4. Le jour J, on se dit, bon, de toute façon, maintenant, ça marche pas. Quelque part, je m'en fous, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, boum, je rentre dans le tunnel du week-end et puis j'essaye d'en sortir vivant, point à la ligne, quoi. Ok. Et c'est libératoire, vraiment. Donc, en fait, on profite pas tellement de l'événement, ça c'est vrai. Enfin, moi, j'ai organisé plusieurs fois et je crois pas avoir vraiment profité de l'événement un petit peu l'année dernière, je m'en suis bien sorti. Ouais. Mais en fait, justement, comme on se libère d'une charge, en soi, c'est une forme de plaisir, quoi. D'accord. C'est un peu pervers, je sais, mais... Ah oui. Oh oui. Oh oui, oh oui. Vas-y, libère-moi de moi. Alors, j'ai envie de faire un petit tour de table rapide, quand même, pour vous poser une question. Vos pires ou vos meilleurs moments de convention? Elle n'était pas prévue, celle-là. Alors, qui a envie de continuer? Pire moment, meilleur moment? JK. Malvina. Non, bah, j'allais dire pour ceux pour qui c'est encore très frais. Ah oui, alors j'ai pareil parce que j'ai besoin de me concentrer. Moi j'ai envie de dire les dames d'abord. Le quoi? Les dames tout d'abord. Tout le monde surfile. Les dames d'abord tout en lui passant à Mathieu. Voilà. Certes. Élégamment à Mathieu. Pire et meilleur moment. C'est, je pense qu'en fait, bon, on va commencer par le pire. Ça a été bon, le dimanche après ma nuit blanche, évidemment. Je m'y attendais un peu. revenir chercher un bouquin de jeu de rôle au club pour une partie. J'ai dû mettre une demi-heure pour retrouver le bouquin. Entre chercher les clés, revenir parce que je les avais oubliées, retourner. J'ai mis entre une demi-heure, une demi-heure, on va dire. Sinon, le meilleur moment, je suis pas sûr qu'il y avait vraiment un meilleur moment, c'est de voir quand tout tourne, quand c'est lancé, que ça fonctionne, quoi. C'est, voir les tables se faire. Voir les tables se faire, se défaire, enchaîner. On a l'impression qu'on a réussi, quoi. D'accord. JK, ton pire moment de convention en tant qu'organisateur, j'entends, attention. Je crois que pour moi le pire moment de convention, ça a été à Eclipse 8 le samedi après-midi, quand j'ai vu 95% des joueurs quitter leur partie pour aller s'inscrire aux parties du soir. C'est là où je me suis rendu compte que les gens n'avaient vraiment pas compris pour nous l'intérêt de mettre l'inscription, le début des inscriptions pendant le créneau des parties. Et ça, je me suis dit, il faut vraiment expliquer chacune de nos décisions parce que ça en fait quelle était la énorme. Parce que moi non plus, j'ai pas compris. Moi, je suis même pas sûr qu'ils aient pas compris. Ils ont peut-être compris, mais ils s'en foutaient. Alors attendez, avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer la démarche et pourquoi la démarche, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on voulait systématiquement laisser le plus de choix possible aux personnes qui n'étaient pas déjà à la convention. D'accord. Pour s'inscrire. Et en fait, parce les gens. Le but de la convention, c'était de jouer. D'accord. Ouais. Juste de jouer. Donc, une personne qui avait déjà joué, parce qu'elle était là le samedi après-midi, était entre guillemets moins prioritaire qu'une personne qui arrive le samedi soir. D'accord. Pour x ou y raison, parce qu'elle vient de loin, parce qu'elle travaille le samedi après-midi. D'accord. Parce que. Voilà. Donc, c'est de leur laisser un peu plus, éventuellement, de leur laisser un peu plus de choix à eux. Et. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient déjà là ont quitté leur partie. Voilà. Pour aller s'inscrire le soir. Sans... Voilà. Ouais, et donc, ça, bon, forcément, comme c'est le samedi soir en plus, il y a le plus de monde. Donc là, t'étais fâché. Quoi. À la limite, j'aurais pu le supporter, mais je me suis pris des remarques au même moment qui. Bon. T'as peut-être été plus déçu que fâché. Ouais, plus déçu en fait. C'est. Bon, j'ai pas une très bonne opinion de l'espèce humaine, mais là, elle a encore vraiment baissé. Quoi. Et tu penses qu'ils n'ont pas compris ou alors qu'ils ont compris? Non, je pense que c'est vraiment. Enfin, je pense que c'est vraiment une mauvaise explication de notre part. En fait, je pense que si on avait vraiment expliqué le but du truc au départ, je pense que les gens, enfin, fondamentalement, sont quand même relativement honnêtes, auraient compris notre démarche. Compris, mais est-ce qu'ils l'auraient accepté? Est-ce qu'ils l'auraient accepté? Moi, je pense pas, personnellement. Voilà. Peut-être qu'il y en aurait quelques-uns en plus qui l'auraient accepté. C'est vrai, il y aurait eu un peu moins de monde sur la queue. Et ton meilleur moment? Alors le meilleur moment, c'était Eclipse 8 aussi, mais c'est sur tout le long de la convention, c'est parce que j'ai enfin pu mettre des têtes sur vos noms d'auteur, et franchement, ça fait du bien. Le reste, c'est qui ce Romaric brillant, là, il fait chier avec son jeu, là, ça veut rien dire, on capte rien. Moi, après la convention, j'ai toujours du mal à mettre les noms sur les têtes, mais ça s'est quand même un petit peu amélioré. Ouais, parce qu'on voit quand même beaucoup de monde, c'est difficile, hein. Moi, je vous avoue que... En convention, je retiens. Enfin, les noms, j'ai du mal. Quoi. Sauf les invités que je recroise régulièrement, et puis quelques organisateurs, par exemple comme JK, vu qu'on s'est appelé, je sais pas, peut-être une ou deux fois avant la convention, après, c'était. Voilà quoi. Mais je t'ai vu en stress pendant toute la convention avec lui. Il était arrivé en sueur avec sa clochette là. Au bout de. parce que JK porte une clochette sur ses lunettes, il faut le savoir. Oui, ok. D'ailleurs, mais pourquoi? Pourquoi? Anecdote. Attention, moment émotion là. Et pourquoi pas? Tanguy, meilleur, pire moment en convention? Alors je pense que mon meilleur moment, c'est pour Eclipse 4. Parce que la convention ouvrait ses portes à 19h le vendredi soir et les parties commençaient à 21h. On s'était pris un petit peu de marge parce que les années précédentes on avait eu quelques problèmes. Des gens qui arrivaient, il fallait tout de suite qu'ils commencent à jouer. D'accord. Et donc à 19h, il n'y avait personne. Et là, en fait, j'ai dit à Rolapin, qu'on qu'on connaît sur le web sous ce nom-là. Je lui ai dit, putain, on est en train de prendre un four. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on voulait vraiment changer de formule à ce moment-là. Ouais. Et on changeait un peu de format, enfin, c'était un peu différent. Et à 20h15, je crois, on a vu débarquer une armée de gens. Ah ouais. Mais vraiment, quoi, qui était là, pressé de s'inscrire, parce qu'effectivement, les créneaux commençaient à être 3/4 plus tard, donc, excusez-moi. D'accord. Les créneaux commençaient 3/4 plus tard, donc on savait que enfin, les gens étaient pressés, en fait, quoi. D'accord. Et, en fait, vraiment, moi, je m'attendais, bon, ok, on va prendre un four, bon, on va avoir un week-end tranquille, au moins, quoi. et en fait, ouais, et d'un coup, je vois arriver tout le monde, et sur le moment, c'était un peu l'affolement, et en fait, dans le même temps, ouais. Je me suis dit, on a fait les bons choix. Et alors ça, on avait fait les choix assez radicaux pour Eclipse 4, c'est souvent le cas, de toute façon, quand c'est moi qui m'y colle. Et je l'appuie bien. D'ailleurs, à l'exception notable d'Eclipse 7, soit dit en passant, je vais y revenir. Ok, on a fait les bons choix, c'est bien. Voilà, au moins, on a donné quelque chose, on a fait grandir l'événement, ce qui était le but de la manœuvre. Sinon, je serais pas revenu. Excellent. Et le pire moment ? Le pire moment, c'est Eclipse 7... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il y a deux choses dans Eclipse 7. La première, c'est que donc la convention commençait le vendredi. Ouais. Le lundi soir, on nous a dit qu'il y avait plus de thunes dans la caisse de l'assaut. Ah ouais. Nous, on devait faire 1 500 € de course le vendredi matin. D'accord. On était vraiment, j'ai passé une semaine affreuse, quoi. Parce qu'il fallait finir l'organisation de la convention, parce qu'on était à la bourre, parce qu'on a fait des bêtises. On est toujours à la bourre, de toute façon. On est toujours à la bourre, mais en plus, il se trouve qu'on avait fait des bêtises. Et là, même pas le trésorier de l'assaut, j'ai vraiment que quelqu'un d'autre du conseil d'administration qui nous dit « Non, mais en fait, il n'y a pas un rond en caisse. Alors, coup de chance, on a un truc pour pouvoir obtenir les subventions en anticipé, donc ça devrait le faire, quoi. » Et en réalité, on ne s'en est sorti que parce que Lionel allait contracter un prix immobilier et qu'il avait 30 000 € en cash sur son compte en banque. Ah ouais, et qu'il a pu nous avancer les courses. Ah ouais. Donc ça a été très mauvais moment. Ouais. Et sinon, dans l'ensemble, en fait, l'organisation d'Eclipse 7 n'a pas été satisfaisante. Alors, je l'ai évoqué avec pratiquement personne. Et ce serait très long à évoquer ici, donc je préfère laisser. Enfin, pour moi, Eclipse 7 a été une grande frustration et en même temps un grand plaisir parce que ça s'est plutôt bien passé. Ah ouais, moi voilà. En tant qu'invité, mm-hmm. En tout cas, moi je peux te dire que j'ai adoré, quoi. Mais c'est ça qui est malheureux, comme quoi, en fait, moi j'avais l'impression d'avoir fait les mauvais choix, ouais. Tout au long de l'organisation parce que, en fait, j'étais pas maître complètement de ces choix-là. Et les gens ont trouvé ça plutôt bien, donc à ce moment-là, on se pose quelques questions, on se remet ouais. En question. On voilà. Est souvent trop exigeant en tant qu'orga, je pense, par rapport à ce qu'attend le public. Non, c'est la formule en fait qui me convenait pas. Bon, mais je l'ai encore, serait vraiment très long. D'accord, très bien. Malvina, pire moment, meilleur moment ? Alors, moi, mon pire moment, donc moi j'ai fait qu'une seule, j'ai organisé qu'une seule éclipse, éclipse 4. Mon pire moment, ça a été le dimanche, lorsqu'il a fallu tout ranger. Que normalement je devais être secondée par au moins un de mes deux cohorts grands d'orga, que l'un était parti dormir et que l'autre était en train de mener et que moi j'étais totalement sur les genoux et là tout le monde a bien pu voir mon aspect extrêmement autoritaire d'ordinaire il est assez présent on va dire, mais là c'était totalement exacerbé. Et donc, ça a été mon pire souvenir, mais ça a dû être le pire souvenir de quelques autres aussi. Je confirme. Tanguy Monet. Ça a été marrant pour personne, bon, c'est comme ça, quoi. Au bout d'un moment, j'étais GRG parce que j'en pouvais plus, quoi. Et puis, mon meilleur souvenir, je vais rejoindre Mathieu, c'est pas un moment, c'est vraiment de voir que ça roule, que les gens ont le sourire, que ça se passe bien. C'est quelque chose, c'est un projet de d'année quelque part, quoi. C'est un truc dans lequel on se consacre pendant un an et c'est merveilleux de le voir se dérouler sous ses yeux, quoi. De voir bien se dérouler sous ses yeux. Ouais, c'est vraiment, j'ai envie de dire que ça va au-dessus de tout. Ça a pas l'aspect pic dont je parlais, mais effectivement, c'est cool de voir les gens sortir des parties avec le grand sourire et raconter leur partie, être pressés de. Voilà. Alors justement. Et surtout ici, le grand plaisir, c'est on reviendra l'année prochaine. C'est ça qu'il faut garder en tête. Je crois ce qu'on nous a dit aussi beaucoup nous quand on a fini la convention. C'est de pas se focaliser sur les petits trucs qu'on merdait. À partir du moment où il y a eu du monde à la convention, où les gens sont venus, qu'ils ont joué, la convention est réussie, c'est un succès. Il faut vraiment garder ça en tête. Et et regarder les gens qui nous laissent des mots, qui remplissent leur formulaire pour nous dire c'était bien, on a apprécié, refaites, voilà. Ça c'est important. Il faut vraiment se focaliser là-dessus. Déjà, c'est très agréable et puis aussi, c'est la preuve qu'on a fait du boulot. Quoi. Tanguy. Ouais, on a un questionnaire de satisfaction qui se fait tous les ans, je pense, et qui est assez précis. On demande vraiment aux gens de donner des idées, etc. Justement, ça me permet de faire une petite transition sur notre dernière partie, celle qui conclura ce podcast, sur la convention. Donc, le jour J est derrière nous maintenant, les pires et les meilleurs moments sont passés. Et donc, justement, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, vous parlez de ces petits formulaires. Vous faites ça à chaque fois? Vous faites remplir ces formulaires? À quoi ils servent finalement? Parce que moi, j'en ai rempli plein quand je suis venu à Eclipse, mais j'ai jamais. Cette année, je crois qu'il n'y en a pas vraiment eu en fait. Il y avait un livre d'or, c'est ça, cette année? On n'a pas fait un formulaire, je donnais un papier aux gens en leur disant mettez-nous les points positifs, négatifs, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut. Mais c'était dimanche matin en fait. Donc, il pouvait y avoir pas mal de monde qui était parti déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe après la convention pour vous? Après le rangement. On dort. Non, on fait. Enfin, après le rangement, on rend les clés et on va dormir. D'accord. On fait une grosse nuit, généralement. Et on a souvent aussi. Enfin, moi, je sais que je me souviens que c'était. Il y a un gros vide dans la vie, quand même. Oui. Bien sûr. Moi, à l'époque, j'avais vraiment fait l'analogie. On avait vraiment bossé pendant 9 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Presque 9 mois. Et en fait, c'était le jour J, c'était quelque part, c'était l'arrivée du bébé, et puis après, hop, ça y est, il est parti. Et il y a un gros vide. Ouais, c'était vraiment ce côté. Ça va être étrange, ça. Oui, alors, c'est mais je pense que c'est valable dans tous les gros projets. Vous faites quand même un débriefing après? Entre regards. Je pense que vous l'avez fait, vous. Ouais. Avec les gens qui sont présents aussi. Nous, on l'avait fait pour Eclipse 4. Ouais. Ah, oui, le dimanche après-midi, l'année dernière, on avait fait un débriefing à chaud, et puis on demandé aux gens. Plus tard, un autre. Voilà. C'était aussi une façon de se rendre comptable de trucs dont les gens s'étaient plaints pendant le week-end. D'accord. D'ailleurs, les gens, enfin, sur le moment, on ne pouvait pas forcément leur donner explication. Là, on leur expliquait pourquoi est-ce que ça s'était passé comme ça et pas comme ça. Mais généralement, d'accord, ce genre de débriefing à chaud, il ne se fait pas avec tant de personnes que ça. Non, quoi. C'est une trentaine de personnes maximum. Et puis, les gens qui ont aidé, donc en partie bénévoles pour beaucoup. Donc, des gens qui sont même proches de nous, qui sont du club, etc. D'accord. Donc, avec ce débriefing à chaud, on touche pas le public véritablement. D'accord. Ouais, et puis il y a quelques éditeurs qui sont restés aussi, éventuellement. Notamment, on a eu des bons retours des ludopathes. Mmh. D'accord. Très intéressant. Donc, voilà, on dort. Puis pour continuer sur... Ouais. on dort, on se rend compte qu'effectivement, il y a un grand vide dans la vie. Et puis, du coup, on pense à autre chose. Mais en même temps, il ne faut pas penser trop à autre chose parce que, alors, il faut rendre les comptes de la convention. Ouais. Ça implique de les faire, ce qui n'est pas très marrant. Faut gérer tous les invendus en matière d'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a le sec, il y a le sec et le frais. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Le sec, on a une réserve, comme en fait on appartient à une grosse association qui organise d'autres événements qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle en fait. En fait, le sec peut servir notamment pour les soirées danse bretonne, choses comme ça. D'accord. Par exemple. Bon, pour le frais, c'est plus compliqué. Généralement, on le partage entre les gens qui sont présents le dimanche soir. On se fait un petit gueuleton et puis on le se reste, fait un petit gueuleton, on dispatche quoi. On essaie de pas acheter parce que c'est vraiment trop bête quoi. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc, le lendemain, effectivement, on s'attelle, dans la semaine qui suit, on s'attelle au compte. Ouais. On s'attelle au bilan moral, qui est très important. C'est-à-dire, comment est-ce que nous, on a ressenti le truc? Là encore, on reste sur le niveau sensation. Et après, il y a tout l'aspect dépouillage du sondage. D'accord. Voilà. Alors là, ça fait souvent mal ou non? C'est souvent positif. Non, globalement, c'est bien. Je ne crois pas avoir descendu, à titre personnel, être descendu sous 9 comme note moyenne. Sur 10. Sur 10. Oui. C'est même trop bien, on n'a pas assez d'aspect négatif. Quelque part, c'est un problème, en fait. Ah ouais. Moi, je préférais. Pour l'ego, c'est toujours bon de dire « Ah, c'est super, on vient l'année prochaine. Ouais. » Mais quelque part, ça nous aide pas tellement quoi. La note, c'est pas ça en fait. Donc, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, c'est pas la note qui aide, c'est non, les commentaires. Non, mais quand la note, après la note, ça donne une idée de la satisfaction des gens. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, le mec qui met 9 sur 10, de toute façon, il va pas dire ah putain, c'était trop la merde, voilà quoi. Ouais. Non, il va dire il y a peut-être ça à rajouter ou ce truc là, on a senti un flottement, mais ça va pas être agressif quoi. D'accord. Or, je crois personnellement que les avis radicaux sont ceux qui font plus avancer les gens. Voilà. Donc, vous aurez compris, Florent, Krumpf, la prochaine fois, Hein, vous les notez sévèrement. Hein. Ils veulent des claques. Donc mais c'est, on va c'est, leur en donner. En fait, c'est pas les invités le plus souvent. Ils sont. Ah, les invités, tu t'en fous en fait. Non, c'est pas ça. Oui, ils se foutent de nous, ces mecs. Les invités sont très constructifs. Ils s'expriment, enfin, dans mon expérience, s'expriment pas tellement par le sondage. Ils s'expriment plutôt de vive voix. Et là, on a des, comme toi par exemple. Et là, en fait, on a des infos beaucoup plus pertinentes parce que eux, ils ont une vision comparative des choses. Et ça, c'est très important. Enfin, je pense que c'est le CMCR qui vraiment tourne les conventions, comment ils. Voilà, il tape là où ça fait mal, quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, et bon, force est de constater qu'on n'a pas très souvent mal avec le système CERC. Voilà. Mais bon, je suis désolé, quoi. Non, mais il y a des. Ouais, non, c'est bien. Enfin, moi, comparativement par rapport à toutes les conventions que j'ai pu faire, Eclipse, je pense que c'est pour l'instant, c'est le top. Dans la mesure où il y a des petits détails à la con. Par exemple, les chiottes, elles sont là. Pendant les parties, on a de la bouffe, on a des petits gâteaux, on a de la flotte, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que vraiment, on sent, en fait, c'est la seule convention vraiment où on sent que, enfin personnellement, hein, les organisateurs sont là au service des invités. C'est exactement le principe. Et oui, ouais, c'est le principe d'une convention, que, quoi. On fait une convention mais c'est pour. C'est pas toujours le cas. Pour le public. Pour l'avoir constaté, c'est vrai que ça fonctionne pas partout comme ça. C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que parfois, les gens sont plutôt là. Pour le public. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, ils sont là plutôt pour les invités, parfois pour les deux. Vous êtes pour les deux. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas pareil au niveau de l'accueil. En tant qu'invité, en tout cas, Eclipse, on voit bien que vous êtes là aussi pour les invités. Et ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est ce que je pouvais dire de mon retour en tant qu'invité à Eclipse en général. Donc après le bilan moral. Je vois pas très bien ce que c'est. En fait, c'est expliquer, avoir une idée de la fréquentation. Donc là, le sondage nous aide beaucoup, ainsi que les feuilles d'inscription, parce que il y a des gens qui nous subventionnent. D'accord. Et ils veulent des chiffres. Ils veulent savoir si notre truc ça a été un flop ou si au contraire s'il y a une progression. Parce D'accord. que quand on montre un bilan qui tous les ans, c'est à peu près le cas en fait pour Eclipse, augmente de entre 20 et 50 personnes. Voilà, ils se disent, voilà, c'est un événement sur lequel on peut, entre guillemets, investir parce qu'il y a une organisation qui tourne et c'est sérieux, quoi. Les gens viennent pas là juste pour du pognon. Excusez-moi. Attention avec ton micro. C'est la fatigue. Les auditeurs sont en train de t'éloigner, te rapprocher. C'est un mec qui court à fond. Donc, en fait, ça, c'est vachement important. Là encore, pour les institutionnels, mais aussi pour l'asso. Comment donc on fait ça, on fait le bilan moral et donc après il y a tout un aspect alors dans le cas d'Eclipse parce que c'est un événement qui se répète d'une année sur l'autre en principe, enfin qui se répète, qu'on voudrait se répéter mais c'est pas systématique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait les cartes sont complètement redistribuées en septembre. Ouais, oui. Voilà, on fixe une date en fait généralement vers le mois de mai pour l'année suivante, histoire de réserver les locaux, mais en réalité on distribue les cartes, on sait pas qui va organiser. D'accord. On sait même pas si ça va avoir lieu. Ouais. Et donc le problème c'est que pour les gens qui veulent se lancer dans l'année suivante, il faut qu'ils aient un maximum de documentation. Premièrement parce que les souvenirs des organisateurs c'est quelque chose de pas super fiable. Ouais. J'ai pu le constater plusieurs fois. Je parle de mes souvenirs. Alors là, ça c'est tout bête, mais c'est une information hyper utile. Et donc en fait, ça a surtout bien marché pour Eclipse 6. Eclipse 7, on l'a pas fait parce que je suis un vilain garçon. Et pour les raisons que j'ai évoquées plus haut. Donc en fait, on fait un vademécum où on indique tout. On met tout. Tout, voilà, même les plus infimes détails, comme par exemple. Les documents de travail, par exemple. Ouais. Si on a besoin de. Je sais pas, bah, justement les formulaires de sondage. D'accord. Les feuilles d'inscription, tout. Le nombre de tranches de jambon dans un sandwich. Mais voilà. Ça va vraiment jusqu'à ce détail-là. Le budget prévisionnel, le budget clos et effectivement les quantités achetées, les quantités effectivement vendues, etc. etc. Ouais, donc ça, c'est le principe. Après, bon, dans les faits, comme je le disais, Eclipse 7, ça n'a pas pu se faire parce que bon, c'était un peu compliqué. Je pense qu'Eclipse 8, vous êtes dedans, c'est ça Et donc voilà. Donc ça, c'est très important parce que. Je crois que ça a dû sauver les orgas tous les ans, quoi. Plusieurs fois. On s'est énormément appuyé dessus, nous, par exemple, dessus d'Eclipse 6. Ouais, tout à fait. C'est ce qui va permettre à des orgas qui n'ont pas beaucoup d'expérience, justement, d'organisation, de pouvoir monter une convention. D'accord. C'est très formateur. D'accord. Donc ça, c'est intéressant de faire ça après. Donc c'est quelque chose que je conseille, au moins de garder, ne serait-ce que les supports papier qu'on a sous forme informatique, en fait. Ok. Voilà. Après, il se passe d'autres choses ou on a fait le tour ? Mathieu ? Non ? Jika ? Je pense que c'est pas mal quand même d'essayer de recontacter les partenaires quelques temps après. Pas forcément les auteurs éditeurs, mais tous ceux qui sont venus. C'est pour ça que t'auras pas de mail, remarque. Voilà. Donc nous, la reine des jeux, les magasins, pour savoir s'ils sont contents de leur partenariat et s'ils veulent le réitérer. Ok. Voilà, ouais, je suis d'accord. Disons que c'est juste, ne serait-ce que c'est pour leur montrer que c'est pas que la personne qu'on a contactée, c'est pas juste une poubelle dont on avait besoin pour afficher le truc dans son magasin, ouais. Mais que c'est quelque chose dont qu'on estime qu'il a été utile pour nous et que voilà, c'est pas maintenant que c'est fini qu'on a plein à faire. Et qu'on espère aussi lui avoir été utile. Du coup. Et puis aussi, c'est le moment aussi de dire que l'année prochaine, ça va peut-être recommencer et que ça sera peut-être pas les mêmes personnes. D'accord. C'est très important. On en parlait dans les motivations, comme Mathieu l'a évoqué tout à l'heure. C'est vachement important que les gens changent. On m'a fait la remarque plusieurs fois. J'ai un très bon ami qui me fait la remarque tous les ans. Il y a des gens qui pensent que c'est un problème. Ah oui. En termes d'identité, justement. L'identité dont tu parlais de la convention, le côté orienté vers les joueurs, c'est une identité qui n'apparaît pas à tout le monde. Mmh. Voilà, y compris des gens qui font pas mal de conventions. Alors, des conventions sur Paris, donc c'est un cadre assez particulier. Mais le fait est quoi. D'accord. Voilà. Donc, mais pour nous, c'est très important. Enfin, Puis ce serait très lourd de faire ça, que ce soit les mêmes personnes qui fassent ça tous les ans. C'est quand même une. C'est quand on disait au début que c'était un défi personnel, c'est pas un vain mot. Quoi. C'est, Le problème, c'est que ça veut dire que l'année suivante, on refait la même chose. Donc ouais. Parce que justement, c'est trop fatigant de refaire un truc vraiment différent à chaque fois. C'est vrai que ça gagnerait en efficacité, en pertinence, etc. Mais ça se scléroserait, je pense. D'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc voilà. Bon, on peut s'arrêter là. Je pense que. On a déjà donné pas mal d'informations. Après la convention, on passe effectivement à autre chose. C'est très important. D'accord. Eh bien, nous aussi, chers auditeurs, nous allons vous laisser passer à autre chose. Quelle voix On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, les organisateurs d'Eclipse, d'avoir répondu aux questions peut-être des prochains organisateurs, des auditeurs qui voudraient se lancer dans l'organisation. J'espère que votre expérience leur a donné la motivation de le faire. Qu'ils viennent à Eclipse 9. Voilà. Qu'ils se proposent en tant que bénévoles. Voilà, déjà pour prendre de l'expérience. En fait, c'était ça le but du truc. En fait, c'était ça le but caché. Allez, mais parce que sinon, il n'y aura pas Eclipse 9. Quoi qu'il en soit, on vous dit tous à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.